en 1969, en créant le Rassemblement du peuple togolais, nous n'avions répondu qu'à la volonté du peuple. Si aujourd'hui, il se prononce en faveur d'autres options que le Rassemblement du peuple togolais, c'est avec un agréable devoir que nous répondrons à son appel et obéirons à son choix. Car notre seule ambition est de créer et d'entretenir avec le peuple le cadre le plus favorable à son épanouissement politique, économique, social, culturel, intellectuel et moral. Et dans les jours qui suivent cette intervention, on peut entendre sur RFI l'analyse d'Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, opposant togolais et futur premier ministre de son pays.